Chapitre 17e, Monsieur Salamons part en voyage. Vers la fin de l'automne, Monsieur Salamons quitta Lislewood Park, où il occupait une chambre fort agréable au second étage, où il buvait sa bouteille de porto chaque jour après dîner. Monsieur Salamons, dis-je, quitta une maison où il jouissait de tels privilèges, et partit pour un petit voyage qui, ainsi qu'il le dit aux jolies servantes du château, durerait probablement l'espace d'une semaine. Il allait voir un de ses neveux dont il était en quelque sorte le tuteur, l'enfant étant orphelin et ayant quelques petits biens. « Pas beaucoup, vous savez, ma chère, » disait M. Salamons à la plus jolie des soubrettes, « mais juste assez pour se trouver à l'aise sans être trop à charge à ses parents. Le pauvre garçon, car il est très délicat. » En conséquence, cet oncle affectueux, après être resté enfermé une couple d'heures avec son maître, le major Granville Barney, se mit en route. Le neveu de M. Salamons était en pension chez un gentleman d'une petite ville du Yorkshire, une ville triste à l'ombre du grand clocher de l'église. Les enfants jouaient au milieu des tombes et leur voix seule rompait le silence du lieu où s'élevait le saint édifice. Une ville sinistre qui envoyait deux membres pour la représenter à Westminster et qui discutait, louait, raillait et calomniait ses membres avec une énergie infatigable. En sortant de la grande rue de cette triste ville de Yorkshire, on arrivait dans de jolies petites allées vertes, ornées çà et là de massifs d'arbres, où les enfants allaient jouer vers le soir. Dans quelques-unes de ces ruelles tranquilles, on se trouvait tout à coup en face de belles maisons cachées, pour ainsi dire, derrière de hautes murailles et de grands arbres. Ce fut vers une de ces maisons retirées que M. Salamons dirigea ses pas en quittant la station du chemin de fer. La maison devant laquelle il s'arrêta était une construction carrée, en briques rouges, avec deux rangées de fenêtres hautes et étroites, séparées de la rue sur le devant par un mur élevé et deux portes imposantes, le tout couvert de lierre. M. Salamons fut admis immédiatement en donnant son nom par la servante qui vint ouvrir, mais il faut remarquer que le nom qu'il donna n'était pas Salamons, mais Saunders. Il faut aussi remarquer que M. Salamons était entièrement vêtu de noir, qu'il portait une cravate blanche et qu'il avait un certain air clérical. La servante le conduisit dans un joli petit salon situé sur le derrière de la maison et ouvrant sur un grand jardin. M. Salamons marcha droit à la fenêtre et promena ses yeux sur la pelouse et les plates-bandes. À quelque distance, étendu sur une chaise longue, il y avait un jeune homme qui sembla attirer l'attention de M. Salamons. Le jeune homme lisait. Il était beaucoup trop absorbé par son livre pour remarquer qu'il était l'objet de l'observation de M. Salamons. Il paraissait singulièrement délicat, et les cheveux qui s'échappaient de dessous son chapeau de paille étaient d'un brun très clair. Le maître de la pension entra pendant que M. Salamons était à la fenêtre. Les deux hommes échangèrent une poignée de main. Le maître de la pension était un homme gras et bien portant, dont les cheveux blonds commençaient à se mélanger de gris. Il paraissait avoir une bonne nature et un bon caractère, mais être emphatique et pédant. « Je n'ai pas besoin de vous demander comment il va, » dit M. Salamons en montrant la fenêtre, « car le voici, il me paraît toujours le même. » « Mon cher monsieur, » dit le maître de pension, « c'est précisément la même chose. L'art médical représenté dans cette ville, et nous ne sommes réellement pas dépourvus de talents médicaux dans cette ville, me pardonnerez-vous mon orgueil de citoyen de cette ville si je dis que nous sommes riches en talents ? L'art médical est d'accord avec vous sur ce point. Il n'a guère changé. Nous avions compté sur le temps, mais le temps a fait fort peu de choses pour lui. Un verre de madère, monsieur Saunders ? M. Salamons ne fit aucune attention à l'offre hospitalière du maître de pension. « Comment est-il au moral ? » demanda-t-il en continuant de parler du pensionnaire occupé à lire dans le jardin. « Pas trop mauvais, pas trop mauvais, » répliqua le maître de pension. « Sous ce rapport, nous n'avons pas à nous plaindre. Il a ses livres, ses études botaniques et son chien. On lui passe toutes ses innocentes fantaisies, et il n'a pas de fantaisie qui ne soit innocente. C'est un jeune homme extrêmement aimable et généralement aimé. » « C'est une grande satisfaction pour un oncle, » dit M. Salamons. « C'est surtout une satisfaction pour un oncle comme vous, M. Saunders, » dit le maître de pension. M. Salamons tira une bourse de sa poche et compta 40 livres en billets et quelques monnaies qu'il tendit au maître de pension. « Voilà, dit-il, notre paiement annuel. Maintenant, selon mon habitude, j'aimerais causer 5 minutes avec mon pauvre neveu. Ensuite, je rentrerai dîner à mon hôtel et demain matin, je retournerai à Londres. » Vos visites ne sont pas longues, monsieur Saunders, dit le maître de pension en réfléchissant. Il songeait peut-être s'il y aurait quelque sécurité à inviter monsieur Saunders à dîner avec la certitude d'un refus. Mes devoirs, dit monsieur Salamons, en essayant de regarder sa cravate blanche, m'obligent à retourner chez moi. Eh bien donc, ce sera maintenant, s'il vous plaît. Le maître de pension le conduisit au jardin. Le jeune homme continua à lire, mais au bruit de leurs pas, il leva les yeux. « Mon oncle Alfred, » dit-il en reconnaissant M. Salamons. « Mon cher George, je suis venu vous voir. »« Oui, » dit M. Salamons en prenant la main maigre de son neveu dans la sienne. « Toujours le même. Êtes-vous heureux, George ?»« Bien heureux, mon oncle. Tout le monde est bon pour moi. On nous traite fort bien, et nous sommes bien heureux. » « Et vous ne désirez pas quitter cette maison ?»« Non, pas le moins du monde, mon cher oncle. » M. Salamons ne répliqua rien, mais il considéra son neveu pendant quelques minutes. « A-t-on jamais vu une aussi grande différence que celle qui existe entre lui et le jeune homme de là-bas » pensait-il en contemplant le visage tranquille de son neveu.